éternelle. La vie des femmes incroyables qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une femme qui a choisi d'écrire plus fort que les hommes, mais qui n'a pu être lue qu'en renonçant publiquement à son nom de femme. Elle s'appelle Aurore Dupin, mais est plus connue sous le nom de George Sand. Née le 1er juillet 1804 à Paris, elle a très vite compris qu'au 19e siècle, une femme n'avait pas le droit d'être une écrivaine reconnue. Pour être publiée, lue et prise au sérieux, elle a dû adopter un pseudonyme masculin. Mais son nouveau visage littéraire ne reste pas secret bien longtemps. Dans les milieux parisiens, on découvre rapidement que ce pseudonyme masculin cache en réalité une femme. Une fois qu'ils comprennent que George Sand est Aurore Dupin, ils sont surpris, parfois choqués, mais ils reconnaissent le talent. Même une fois démasquée, George Sand refuse de revenir en arrière. Elle garde ce nom d'homme, l'assume pleinement et en fait un geste de rébellion contre une société qui refusait de laisser une place aux femmes. Ainsi, elle a écrit, débattu, milité et s'est imposée comme l'une des plus grandes figures littéraires et politiques de son époque, tout en montrant que le talent n'a jamais eu besoin d'être masculin pour exister. Elle ne se contente pas d'écrire des romans sentimentaux ou de salon. George Sand utilise la littérature pour porter des causes sociales, l'égalité, l'émancipation féminine, la justice sociale et la liberté individuelle. Elle soutient activement les ouvriers, critique les inégalités, participe au débat de 1848, écrit dans des journaux politiques. À une époque où les femmes n'ont ni droit civique ni reconnaissance publique, elle prend la parole, est critiquée, mais étonnamment, est écoutée. George Sand défend aussi la liberté des femmes dans leur vie privée. Elle se sépare de son mari, refuse que l'amour soit une prison et revendique le droit pour les femmes de disposer d'elles-mêmes. Sa vie personnelle, souvent commentée, devient son acte politique. Vivre comme un homme pour revendiquer les mêmes libertés qu'eux. L'œuvre de George Sand est colossale. Elle a écrit plus de 70 romans, pièces de théâtre et articles. Elle met souvent en avant les paysans, les personnes humbles et les femmes mises à l'écart. Elle devient l'une des écrivaines les plus lues de son siècle. Preuve flagrante que le talent n'a pas de genre, même si la société a tenté de prétendre le contraire. George Sand meurt à Nohant, le 8 juin 1816, après une vie passée à écrire, à défendre, à contester, à prouver qu'une femme peut être une intellectuelle respectée, une autrice majeure et une figure politique engagée. Aujourd'hui encore, elle reste un modèle de liberté et de courage, une femme qui a choisi d'exister pleinement, malgré une société qui voulait la réduire au silence.